Merry Christmas, Studek Web. 14h, c'est le coup de boost sur Studek Web, en direct sur le site internet et sur Dailymotion. Le Père Noël en Alaska. Même pas froid. Le Père Noël sur un chameau. Coucou la compagnie, c'est la voix de Siri qui vous parle. Les producteurs n'avaient pas le Père Noël sous la main. Donc c'est juste pour vous dire que le coup de boost passe en mode Noël. Bisous tout plein de chocolat. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studek Web. Joyeux Noël. Votre deuxième réveil de la journée, c'est plus le café, c'est plus la vitamine C, on oublie tout ça. C'est le coup de boost sur Studek Web, tous les jours, 14h, 15h, en direct aussi sur Dailymotion. J'insiste hein, parce que vous pouvez nous voir, je vous fais un petit coucou. Coucou. Et surtout, admirer par exemple Caro des réseaux. Hello. Allez, hop, tac, voilà, ça c'est fait. Vous réagissez sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Caro, comment on réagit, Caro des réseaux? Eh ben, c'est tout simple. Hashtag CDB, coup de boost. Et puis, vous marquez le message que vous voulez. Vous marquez des bisous. Vous marquez ce que vous voulez. Et moi, je lis tout. Toute l'émission. J'ai mon PC à côté de moi. Je lis tout. C'est votre pont entre les réseaux et nous. Et en plus, elle est en forme. Elle est magnifique. Elle est jolie. Oh, et il y a gentil. Aussi Pierre. Bah, Pierre de rien du tout, moi. Et voilà, et voilà, ça c'est marrant. Ah, bah, j'adore. C'est Pierrot Dodo. Ah, je me suis coincé le dos. Ouais, ah bon? Oh, ouais, je vous ai un petit peu cambré. Ouais, je suis un peu tordu parce que je me suis coincé le dos, mais sinon ça va. Je suis très content d'être là. Ouais, bah c'est super, bah, nous aussi. La patate. Et puis je mets des petits sons un peu chelous, hein, c'est normal, c'est parce que ils m'ont mis une petite tablette, c'est le danger. Hein, ça va s'amuser. Quand je dis qui, c'est les maîtres aussi de l'émission, c'est nos amis les techos, comme on les appelle, Rémi et Arthur, sans qui l'émission ne serait pas possible, bien sûr. Bye. Ah oui, salut. Déjà, je vous laisse le micro, dites salut au moins. Bonjour à vous. Et l'intérêt aussi de les voir sur Dailymotion, c'est que vous pouvez voir qu'il y a une vitre entre nous et eux, un peu comme aux zoos, tu sais, les otaries avec non plus que l'affiche ne pas nourrir. Donc voilà, vous êtes un petit peu nos otaries du jour. Et voilà, on a plein de choses de prévues comme d'hab. Votre pack Studek Web a gagné dans le jeu du booster, les infos inutiles. Il y aura aussi dans un instant la météo et votre post-it du jour pour ne rien oublier de ce mardi 11 décembre. Tout ça, c'est juste après Jérémy Frérot. Et maintenant, on lance le dose du jeu. Dose du jour, c'est ça. Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné hier? C'est pas vrai. C'est Jean-Louis. C'est pas vrai. Oh, le fofolle. Catherine Jablasi. Moi, un certain âge, bon ça va. Belle plante blonde. Ah ouais, mais c'est trop bien, quoi. Le dose du jour sur Studek Web. Et c'est bientôt Noël, tout est beau, tout est magnifique, mais il y a toujours un vieil oncle, un pote chiant ou une mamie en fin de vie qui nous lâche tous les ans une remarque un peu relou. C'est clair. Alors on vous pose la question, le dose du jour c'est la suivante, quelle est la remarque la plus relou que vous tapez tous les ans à Noël? Alors par exemple, tiens Pierre, on a un exemple avec Pierre. Alors moi c'est pas vraiment une remarque, c'est une demande, tu sais à chaque fois tu reçois des gens. Et donc moi j'aide ma mère à Noël à mettre la table, etc. T'as 20 personnes et à chaque fois moi elle me demande est-ce que tu peux faire un petit pliage pour les serviettes. Bah c'est normal. Est-ce que tu peux faire un petit pliage pour les serviettes. Sauf que je prends le bouquin de trucs de pliage, ça dure des heures le truc, ça me saoule. Je précise hein, c'est déjà la seule fois où tu mets la table de l'année. Ouais. C'est déjà bien. Hein, c'est déjà bien. Comment on participe à ce dos du jour, Caro? Eh ben c'est simple, hashtag CDB comme je disais tout à l'heure. Vous marquez votre réponse, votre prénom, votre âge et puis on vous recontacte derrière ou au moins je lis votre message à l'antenne. Génial. Super, bah ça. Voilà. Allez hop. Voilà. Un bon courage à vous qui êtes dans la voiture au boulot. On vous accompagne dans le coup de boost jusqu'à 15h. Et vous allez connaître la météo et le post-it du jour juste après le premier single de la carrière de Jérémy Frérot. Titre dans lequel il parle de tous les bons moments qu'il a vécu avec son ancien partenaire de scène. Voici Jérémy Frérot, revoir sur Studek Web. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes. Pleines de brume, ceci. N'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Sans peur du ciel, oh ni d'éternel, non, non, non. Le temps a abjuré, sans peur du sel, le naturel. D'une note de passer, de penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Studek Web, quelle est la remarque la plus relou que vous vous tapez tous les ans? C'est le 12 du jour. Hashtag CDB pour réagir. Et voilà, on entend Caro, ça tombe bien. Quel est le temps du jour, Caroline? Et ben, c'est la météo. Le temps de cet après-midi sera clément, avec un soleil qui se maintient sur toute la métropole. Une seule région devrait connaître des gouttes de pluie. Il s'agit évidemment de la Bretagne. Côté température, elles avoisineront les 5 degrés en moyenne, avec des températures plus fraîches pour le nord de la France. Il fera 3 degrés à Lille, 4 à Rennes, tout comme à Paris. Température très froide aussi pour l'est de la France, avec seulement 2 degrés à Strasbourg et surtout moins 1 pour Grenoble. Sans surprise, il fera plus chaud dans le sud, avec des températures qui atteindront les 10 degrés à Nice ou sur toute la Corse. À noter un vent frais qui devrait arriver par la côte bretonne en début de soirée, un vent qui fera chuter toutes les températures ce soir sur toutes les régions. Donc sortez couverts. Enfin, profitez du temps d'aujourd'hui car il devrait se détériorer d'ici demain. Donc j'ai bien fait de mettre un pull de Noël en direct sur, sur Dailymotion. Et votre pense bête pour tout savoir de ce mardi 11 décembre, et se la péter hein, à la machine à café, c'est votre post-it. Oh mince, j'ai encore oublié la mort de Louis XVI. Ah mais je t'avais dit de noter. Le post-it sur Studek Web. Mon poteau Pierrot, qu'est-ce qu'il y a sur le post-it? Eh oui, mardi 11 décembre aujourd'hui, et on commence avec l'événement du jour. Eh oui, c'est le dernier match des phases de poule pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les Parisiens se déplacent ce soir à Belgrade pour affronter l'Étoile Rouge. C'est la dernière chance hein, du PSG de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Alors sur le terrain, on peut pas faire grand-chose. Mais bon, quand même, ici, c'est Paris, Paris. Oh là là, bon, ce sera à Belgrade. Marseillaise. Ce sera à Belgrade. Juste parce qu'elle est marseillaise. Voilà. Okay. Ouais, bon, ce sera à Belgrade, du coup. Mais on reste dans le sport pour célébrer un autre anniversaire. Catch. Yeah. Alors, vous connaissez peut-être pas, c'est la musique d'entrée du célèbre catcheur américain d'origine mexicaine, Rey Mysterio, qui fête aujourd'hui ses 48 ans. Alors, pour les non-initiés, le principe du catch, c'est des gens qui se mettent sur la tronche pour de faux, juste pour faire le show. Et donc, c'est une véritable religion aux États-Unis. Et le sport spectacle est aussi retransmis sur la chaîne AB1 en France. Et je pense qu'on a tous regardé au moins une fois, juste pour ce moment. Oh, le Big Show qu'il fait passer par-dessus la troisième corde. J'ai des frissons. Meilleur moment. Par-dessus la troisième corde, c'est quand un catcheur passe, bien sûr, par la troisième corde du ring. C'est magnifique, c'est spectaculaire. Un autre catcheur célèbre son anniversaire aujourd'hui. Enfin, je crois qu'il fait du catch, mais je suis pas sûr. Ça va vérifier quand même. À quelles sont jolies. Voilà. Le chanteur Enrico Macias, bon, il est pas catcheur, c'est une erreur de ma part. Honnêtement, je croyais pourtant. Bon anniversaire à lui, il fête ses 80 ans tout rond. Après 55 ans de carrière, on peut peut-être espérer un petit album anniversaire. Un autre chanteur. Good Vous avez peut-être reconnu Jermaine Jackson et son tube When the Rain Begins to Fall. J'ai eu du mal à le dire. Et bien le neveu du roi de la pop fête lui aussi son anniversaire, le neveu de Michael Jackson. Il a aujourd'hui 64 ans. Winter is coming. Winter is coming. Winter does come. Winter may be coming. Winter comes. Winter comes. Winter is coming. Eh oui, vous l'avez compris, l'hiver c'est dans moins de 10 jours. Voici donc le conseil jardinage de ce 11 décembre pour préparer au mieux l'arrivée du froid. Eh oui, débarrasser la pelouse des dernières feuilles mortes et autres déchets végétaux, toujours source éventuelle de pourriture. Aérer la partie superficielle du terrain en piquetant sur 5 cm toute la surface de la pelouse. Dans les terrains lourds, associer cette opération à un bon épandage de sable qui facilitera l'écoulement des pluies de l'hiver. Voilà, c'était le conseil jardinage de ce 11 décembre. On termine avec quelques événements marquants qui se sont passés un 11 décembre, et notamment en 1844, où l'anesthésie est pratiquée pour la première fois en chirurgie dentaire. Et je vous en parle parce que j'ai retrouvé en fait une archive impressionnante d'un documentaire qui avait été fait pour l'occasion. Bon, c'est pas hyper efficace. C'est très vrai, c'est pas très hyper vrai. Efficace. On se quitte avec le 11 décembre 2003, jour de l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à l'Académie française. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Au revoir. Ouais, c'est long. Ah. Ah. C'est très long. Ah oui. Voilà. Bon, voilà. Au revoir. Merci Pierre. Dans un instant, on va se battre. Hein, vous allez même nous, vous allez nous, vous pardon, vous allez nous le partager. Je vais y arriver. C'est les infos inutiles. Qui aura la meilleure info dont tout le monde se fout. Et réponse oui. Après le tout nouveau Feder s'appelle Contrôle. Et comment ça se fait un tube façon Feder? Alors vous prenez un synthé pour démarrer. Voilà. Vous produisez ça avec un bon pote de Macklemore, le DJ Don Kaplan, et vous posez une voix, celle du rappeur new-yorkais Bryce Wine. I got a melody. Now I'm trying to find the words to put things in reverse. If you could see what I see, you could. Then you know just what you are. You're everything I want. You're everything that I want. Baby, go talk the way you're not supposed to. Your body can do the rest. You know it. And if you need a little mind vacation, press your cheek against my chest. Do you hear the rhythm of my heart? Feel the beating of my soul. When I'm with you, I lose control. I lose control. Your breath is wrapped around my lungs and your legs around my thighs. When I'm with you, I lose it. When I'm with you, I lose control. Merci d'être avec nous. Studek Web, c'est le coup de boost jusqu'à 15h. Et maintenant, on se bat. C'est Fight Fight. C'est les infos inutiles, c'est les infos dont tout le monde se fout. Yes. Sauf que voilà, nous, on a quand même des trucs un petit peu intéressants. Mais c'est à vous de choisir qui parmi nous trois à l'info la plus inutile, mais la moins on sait pas trop dire. À vous de désigner. On va vous dire comment participer dans un instant, mais d'abord on commence déjà par vous énoncer chacune des infos inutiles. On commence par Caro des réseaux. Oui, alors moi vous savez j'aime bien les petites lois un petit peu inutiles. En France on en a beaucoup. Chiant. Mais dans tous les pays. Ouais. Oh. Et là j'en ai trouvé une. Il faut savoir que dans une ville du Wisconsin, une loi dispose qu'un homme... C'est où le Wisconsin? C'est aux États-Unis. C'était facile. Une loi dispose qu'un homme ne doit jamais tirer un coup de feu en l'air lorsque sa femme a un orgasme. Voilà. Alors, sort d'où cette loi? Qui tire un coup de feu déjà quand la femme a un orgasme? C'est clair. Encore faudrait-il déjà en savoir donner, pas vrai les garçons? Non, En commentaire, dit-elle. En commentaire. Mais voilà, je trouvais cette loi. En fait, c'est une loi totalement inutile, mais elle existe en tout cas. C'est une vraie loi. Bon, très bien, bon, c'est déjà qui va plaire. Elle a fait mieux. Hein. Pierre, tu nous rattrapes ça? Ouais, alors moi, j'ai une info sur les gauchers, parce que je suis gaucher. J'ai un petit coup de gueule en même temps. Les gauchers ont une espérance de vie moyenne inférieure à celle des droitiers, d'environ 9 ans. C'est énorme. 9 ans? Oui, c'est énorme. Le monde est fabriqué autour des droitiers. C'est ça, mon coup de gueule. Oui, les poignées de porte, les ouvre-boîtes, les distributeurs automatiques. Non, mais tout est fait pour les droitiers. Regardez les portes. Tout est fait pour les droitiers. C'est hyper relou quand tu es gaucher. Le vrai problème, là où ça pose un vrai problème, c'est sur le matériel d'outillage. Okay. Par exemple, les scie sauteuses et les tronçonneuses, bah, c'est fait pour les droitiers. C'est les infos inutiles, hein, pas un coup de gueule. La tronçonneuse, par exemple, quand tu scies un truc, tu te prends toute la sûre parce que c'est pas fait pour les gauchers et c'est hyper dangereux. Et c'est pour ça que l'espérance de vie, parce qu'il y a beaucoup plus d'accidents de gauchers. Parce que la vie n'est pas faite pour nous. Donc ça m'énerve. Oui, c'est bon, t'es calme. T'as deux mains, tu te démerdes. Non, mais c'est une vraie info par contre. Hein. D'accord, mais on vit moins longtemps. Ça peut toucher plein de gens qui nous écoutent entre les gauchers. Les gauchers sont plus intelligents. Ça a été prouvé. Oui, mais t'as fini ton info inutile. C'est normal. Alors, à moi, ça vous parlera peut-être parce que l'haleine d'alcool qu'ont les personnes qui ont trop bu ne vient pas de leur estomac, mais de leur poumon. Hein, parce que l'éthanol présent dans le sang va passer via la circulation sanguine dans les poumons et puis dans l'air expiré. C'est d'ailleurs la base du fonctionnement d'un éthylotest. Donc voilà. Quand vous avez une gueule de bois, vous avez trop bu, la laine ne vient pas de l'estomac. Caroline, comment on participe? Comment on envoie son... Comment on vote pour le... J'attends tous vos messages sur les réseaux, Insta, Facebook ou Twitter, avec le hashtag CDB. Vous écrivez le prénom que vous avez préféré dans l'info inutile, genre Caro, tu vois, ça me paraît évident. Ou alors, si vous-même, vous avez une info inutile, pourquoi pas? Oui. Alerte média. Une info vient de tomber. Une info vient de tomber. C'est Pierre avec son petit PC de... Effectivement, c'est une info sur Ed Sheeran. On adore. Ed Sheeran, mais pas que. Si je vous lance ceci. Oh. Ça vous dit quelque chose? Ah non, tu connais Juju? C'est Star Wars. Ah, oui, c'est vrai. Alors maintenant, quel est le lien entre Ed Sheeran et Star Wars? Il est fan de Star Wars. Et bien Ed Sheeran va jouer dans le nouveau Star Wars. Et oui, après avoir cartonné comme chanteur, il va devenir acteur. Mais ce sera difficile de le voir à l'écran car il va jouer un Stormtrooper. Donc il aura un casque. Comme Daniel Craig il y a quelques années, il va jouer un bonhomme blanc. Donc bon courage pour le retrouver. Voilà. Oui, il faudra le chercher parmi tous les Stormtroopers. C'est ça. C'était l'info, hein, l'actu qui l'alerte média qui qui peut tomber à tout moment dans le coup de boost jusqu'à 15h. Et maintenant, on joue au jeu du booster. Maison, poisson, hélicoptère. Verre de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. Vous jouez avec nous au jeu du booster pour gagner le fameux, le magnifique, l'exceptionnel pack Studek Web. Alors, il y a quoi dans ce pack, Pierre? Alors, il y a les t-shirts, le mug, la compile Studek Web aussi avec tous les titres qu'on passe sur Studek Web et les préservatifs pour toi, bien sûr. À chaque fois, c'est ce que t'attends. Non, mais c'est un très beau pack. Il y a plein de choses à l'intérieur. C'est super. Le jeu du booster, c'est une minute pour trouver le mot auquel on pense. Vous posez toutes les questions que vous voulez quand on vous reçoit à l'antenne en direct. Je réponds uniquement par oui ou par non, mais à chaque fois qu'une proposition est fausse, coup de booster, le chrono s'accélère, coup de booster, Pierre. Alors, on devrait le bruiter, mais avec à la bouche. Je trouve. C'est tellement mieux. Tu le feras alors, parce que je sais que t'aimes ça. Alors, on m'a donné des indices. Indice numéro 1, Noël. Voilà.

Le dose du jour en mode Noël. Quelle est la remarque la plus relou que vous tapez tous les ans à Noël? C'est la question qu'on vous a posée sur les réseaux. On avait Pierre avec ses serviettes. Les pliages de serviettes à Noël. Ma mère me demande toujours de faire un nouveau pliage en plus. Je peux pas refaire celui de l'année dernière que j'avais mis 3 heures à apprendre. Mais non, il faut que j'en fasse un nouveau, la coccinelle, le cygne là. Non, mais les trucs, il y a 10 000 pliages. Détends-toi, Pierre, on est ensemble. Caroline. Oui. Caro des réseaux. Eh ben moi la réflexion que j'ai le droit à chaque Noël de la part de toute ma famille, mais genre un par un, c'est Caro, il est où ton copain? Et moi j'ai dit j'en ai pas, et répondre mais c'est impossible que t'en aies pas, il est où? Non, ça s'est inventé, vraiment. Elle a rajouté ça à son histoire. Non mais je vous jure, t'as pas de copain, Caro? Cette phrase là faut arrêter de les dire. Les parents, c'est un message, faut arrêter de les dire. Ça te prouve juste à quel point ta vie c'est nul, quoi. Ou bien trouver un copain, tout simplement. Ouais, c'est clair. Si c'est si évident sur que ça, si tu veux faire un appel sur la gastro, vas-y. Moi de mon côté, tous les ans j'ai le droit à un melon et meulèche. Voilà, melon et meulèche font sympa Noël. Melon fait les guirlandes et me lâche les boules. Voilà, les ans c'est pareil. Oh, la c'est famille. Aussi un petit coup de gueule à côté. Mais non. On a un auditeur avec nous en direct. C'est Patrice. Salut équipe du coup de douce. Salut Patrice. À vous. Patrice de Meudon. Comment ça va, Patrice? Ça va super. Je vous souhaite un noyau Joël. Direct quoi. J'attaque moi. Allez, on est à deux doigts de laisser tomber là, Patrice. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Patrice. Tu fais quoi dans la vie, Patrice? Alors moi, toujours la phrase que je me tape au repas de Noël, c'est doucement hein, sur la bouffe de Noël, tu vas encore grossir. En plus j'enchaîne direct avec le nouvel an, je vous raconte pas. Bon, déjà c'est relou, mais en plus juste avant ça je t'ai demandé ce que tu faisais dans la vie, Patrice, donc ça n'avait rien à voir. Ah pardon, je suis déjà à fond. En plus je suis gros et à moitié sourd. C'est quoi? Non, Patrice, dis pas ça. Je suis étudiant en géo. Ah d'accord. En géo. Très bien. C'est galère cette phrase, en plus c'est pas cool quoi. Déjà t'essayes toute l'année de te restreindre. Si en plus à Noël tu peux plus te faire plaisir. Oui, je suis en mode coup de gueule aujourd'hui. Mais faisons un peu de sport aussi, un peu toute l'année pour prévoir. On prévoit pas que l'été, on prévoit aussi, on anticipe pour Noël. Hein, tout ce qu'on va assimiler. Faire du sport, c'est la promesse que je me fais pour 2019 et que je tiens pas. Exactement. Mais tu sais quoi? Moi je vais dire un truc, Patrice. Tu les emmerdes, d'accord? Tu profites avec la famille et puis voilà, s'ils sont pas contents, c'est pareil. Moi j'ai une question, Patrice. Est-ce que quand tu baisses la tête, tu vois le bout de tes pieds ou pas? Non mais si tu vois encore le bout de tes pieds, c'est que c'est bon. J'essaye. Ouais, ça va. Bon voilà, c'est bon. Ça va. Merci Patrice et à très bientôt. Bonne journée avec le coup de boost sur Sudek Web. Merci coup de boost. Caro des réseaux, on a des réactions également sur les réseaux sociaux. Oui, vous avez réagi avec le hashtag CDB. Donc on a notamment Mélanie, 24 ans de Dijon, qui nous a écrit. Tous les ans, j'ai le droit à la même blague de mon père. Mélanie, fais attention à toi, on va te manger. C'est l'heure de la dinde de Noël. On reste dans le thème de Patrice, en plus. Moi, je trouve ça très drôle, surtout que mon père fait la même blague. Et on a aussi Julie, 19 ans de Paris, qui nous a écrit. Chaque année, ma grand-mère me dit, arrête de te plaindre de tes cadeaux. À ton âge, j'avais une clémentine et j'étais contente. Excuse de l'orange. C'est classique, ça. Ça, c'est pareil, il y en a marre. Ouais, mais c'est quoi? C'est comme ça qu'on a été éduqués, voilà. Ouais. C'est comme ça qu'on est bien élevé. Et ça commence toujours par une petite clémentine. Donc, continuez de réagir sur les réseaux et aussi continuez pour le jeu du booster pour gagner le pack Studek Web. Avec quoi dans ce pack? Eh bien, il y a la tasse, le t-shirt, la compile Studek Web, les préservatifs et puis plein d'autres goodies, plein d'autres cadeaux. Mais bien sûr. Et je disais justement, continuez de réagir avec le hashtag booster pour vous inscrire et jouer avec nous. Vous nous envoyez votre prénom, votre numéro de téléphone seulement sur la page Facebook de Studek Web, hashtag booster. Et génial, Caro, t'es magnifique. Oui. J'arrive pas jusque là. Elle est géniale, oui. Mais t'as fini toi aujourd'hui, hein? T'as fini? Tu mérites un petit. Voilà. Bah non. Je vais le faire à chaque fois, je te le dis. Juste, j'ai une réclamation parce que tu n'as pas annoncé les résultats de l'info inutile. C'est vrai. C'est après, on laisse encore un petit peu mijoter parce que je vois sur les réseaux que c'est moi qui est en train de prendre de l'info. Le mec, il attend. En réalité, c'est moi qui gère les réseaux et je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui est largement en tête. C'est moi, non? Je pense qu'il va être élu, clairement. En tout cas, vous réagissez beaucoup. Hashtag CDB, ça réagit beaucoup, mais aussi hashtag booster. Il y a plein de réactions. Très bien, merci Caro de nous faire un peu la distinction. Moi, je pense que c'est moi qui suis en tête parce que j'ai oublié de vous dire qu'il y a 15% de gauchers en France. Et ça fait plus de 10 millions. Ça fait presque 10 millions de personnes. Tout ça pour dire aussi, je rappelle que les boosters, on va donner un deuxième. Ils ne sont pas adaptés. Oui, mais ils ne sont pas adaptés. Le monde n'est pas adapté. Pense au pack sur les clubs maintenant. D'accord, Pierre? Indice numéro 2, on va dire, il est cool. Voilà, donc Noël, indice 1. 2, il est cool. Bah, le Père Noël? Non, c'est pas ça. Bon, on continue d'être avec vous sur Studek Web. Et pour ceux qui n'achètent plus le journal parce que c'est plus à la mode, ce sera l'info du vrai faux et on écoutera aussi Willy William. Vachement bien. Caliente. Willy William, le titre c'est pas compliqué, c'est La La La. Ouais, c'est un vrai petit coup de gueule, Pierre, sur La La La. Non, j'arrête les coups de gueule. Reste avec nous, c'est Willy William sur Studek Web. À 15h sur Studek Web, c'est Thomas pour vous accompagner dans Studek Bordelagne avec Lucas et Anaël. Et aujourd'hui, il reçoit Max et Jonathan du Morning de RTL2. Vous allez pouvoir leur poser toutes les questions que vous voulez grâce aux réseaux sociaux Studek Web. Et comme tous les jours, plein de cadeaux à gagner et à mettre au pied du sapin dans les poupées russes en s'inscrivant sur le Facebook de Studek Web. Il y aura aussi le serment du jeu d'Hippocrate et tous vos rendez-vous habituels du Studek Bordelagne. Anaël, Thomas et Lucas vous attendent. Studek Bordelagne, c'est à 15h. Sur Studek Web. Ho ho ho. Joyeux Noël. C'est uniquement sur Studek Web. Ah ouais, mais non, c'est pas ça les infos. L'info du vrai faux, c'est sur Studek Web. L'info avec du vrai, avec un peu de faux, avec finalement du vrai du faux. C'est avec Pierre et Caro. Vous allez dissimuler. Distinguer le vrai du faux. Exactement. Et ça, on commence avec la santé. Une étude l'a prouvé, il faudrait dormir entre 6 et 8 heures par nuit pour éviter les problèmes cardiaques. Au vu de la réactivité de Julien, lui vivra au moins 120 ans, je pense. Société, Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir, le SMIC va augmenter de 100 euros par mois. Non, bah non, pas par mois, Caroline. Non, pour moi, pardon. Technologie, le steak de demain sera végétal et imprimé en 3D. Bientôt la sortie du bœuf bourguignon en gélule. People, le rappeur Booba a subi un cambriolage chez lui. Valeur du butin estimée 450 000 euros. Caris, on sait que c'est toi. Si on te retrouve, on te tue. Football, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France s'est déroulé hier soir. Tirage Clément pour le PSG. Et Benoît pour Marseille. Solidarité, Jennifer vend son dressing sur eBay pour la bonne cause. Les fonds seront reversés à une association. Laetitia Hallyday serait intéressée par les vêtements de Jennifer pour sa fille de 10 ans. Télé, carton plein pour le téléfilm de TF1 hier soir. Un bébé pour Noël qui réalise 4 millions de téléspectateurs. Un bébé pour Noël, plus belle la vie, Laetitia Milo est toujours dans les bons coups, j'ai envie de vous dire. International, les tweets de Donald Trump sur les gilets jaunes agacent le gouvernement français. Donald. C'est tout. L'info du vrai faux, c'est terminé. Pour la suite, Caro va nous parler de la chose qui te fait sûrement le plus rêver, hein, qui oui, sera. Exactement. Si vous rêvez de quelque chose, ben Caro va vous le rappeler. Il y aura aussi le coup de cœur musical de Pierre avec un titre de Maroon 5. Yes. Et le résultat de nos infos inutiles, c'est dans un instant. Bien. C'est juste après qu'on ait sorti les maillots de bain en mode caliente avec La La La, Will.i.am sur Studek Web. Drum, boss up the tune, free grab your teardrop. I feel put charisma on me walk. Me I feel out of space like a new walk. Them a call me Frenchie, but me a handle your Jamaican party. They wanna DJ, them a play me style. Come out the boot up, papi. Grand for the party, grand for the money. Boss up the tune with my Frenchie style. Send me pan the rhythm part. While me a try, them a sweet pan the rhythm. Me a must get a blind. No more party until you stop cry. Fresh and sparkle like a Canada dry. Mama say, mama sat, mama cosa. I say la la la la la la. La la la la la la la la. You better call the officer. Me not afraid to party. Cause you know me have a full stamina. Me comfy, boss it up, boss it up. Just tell them me comfy, boss it up, boss it up. Brand new style, me a back it up, back it up. Go! All I wanna sing is la la la la. But me not deal with blah blah blah blah. Me sing every style except Terra. By the say you can throw a Macarena. If you leg up on this phenomena. Me not easy, cause you know me stamina. Mama see, mama sa, mama cosa. I say la la la la la la la la. La la la la la la la. Go! Jusqu'à 15h, c'est le coup de boost sur Studek Web. Ouh. Et on a le résultat des infos inutiles. Ah. C'est écrit, c'est peut-être parce qu'il est content ou vous avez fait un deal Non, pas du tout, elle m'a rien dit. Ça veut dire que j'ai gagné? Non, ah non. Qui a gagné, Caro? Alors, Caro moi, des réseaux, c'est la seule qui sait. Moi, voilà. J'ai fait le tour de tous les messages. Oh là là, la musique des suspense. J'ai fait le tour de tous les messages avec le hashtag CDB. Il n'y a qu'un seul gagnant. Et j'ai le malheur de vous annoncer, parce que ça me fait de la peine, que le gagnant est Pierre. Allez! J'ai peut-être un peu surréagi. T'es content maintenant? Ouais. Team gaucher. Team gaucher. Voilà. Je pense que tous les gauchers se sont réunis et puis. Donc je parle à tous les gens qui créent des objets. Pensez aux gauchers, faites deux versions, une version droitier, une version gaucher. Vivons dans l'amour et la paix. Et à vous qui avez voté, merci, parce que pour une fois, Pierre est heureux. Il a souri. Il a gagné quelque chose. Et maintenant, c'est Caro qui va nous parler de la chose qui te fait le plus rêver, Caro. Oui, on est à quelques jours de Noël. Période de magie, comme vous l'attendez, et d'amour. Donc, on va parler ensemble de la plus belle chose qui puisse exister. Moi. Et ce dont toute femme rêve un jour, dont moi. On va parler mariage. Oh. Chiant. Les menottes. Le mariage. Non, le mariage. Le moment où tu deviens la star de la journée, où tu fais la plus belle danse du monde avec ton chéri. Mais avant tout ça, il faut déjà que monsieur se décide à te demander en mariage. Avec Noël, le nombre de demandes risque de se multiplier. Oui, Pierre. Non, c'est juste, la seule expérience de mariage que j'ai, c'est mes parents. Et ma mère m'a toujours dit, c'est une galère parce que tu fais 40 bises à tout le monde et t'as les joues qui gonflent à la fin du truc parce que t'as fait des bisous à tout le monde. Non, vraiment, c'est véridique. Bonjour, je te laisse une petite information. Avant le mariage, on va faire un tour ensemble des pires demandes en mariage qui a existé, histoire de sauver votre futur. Et clairement, là, la médaille d'or niveau demande en mariage pourri revient aux Américains. En Alabama, un homme un jour pour demander la main de sa chérie a fait appel à des policiers pour simuler son arrestation. Ils sont arrivés sirène hurlante et ont braqué leur arme sur lui à une station service. Une fois au sol, le jeune homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti sa bague de fiançailles. Le traumatisme. Pourquoi faire une demande Sam quand on peut faire compliqué, hein? Aux États-Unis toujours, et là c'est clairement ma demande préférée, un mec a eu l'idée du siècle, pilote d'un petit avion, il fait monter sa chérie avec lui dedans. Durant le vol, il fait semblant d'avoir une panne de moteur et demande à la fille de regarder dans le manuel d'utilisation. La fille, clairement en panique, l'ouvre et trouve une bague de fiançailles. Oh là là. Donc, ils ont l'imagination quand même. Hein. Sur l'idée, je trouve ça pas mal, mais t'imagines quand même le flip. Hein, c'est... Bah, j'avoue. À chaque fois, c'est un traumatisme, le truc. Mais de ouf, mais tu crois que tu meurs. Enfin bref. Sinon, si vous avez aucune limite, vous pouvez toujours gâcher le mariage de votre meilleure amie pour le vôtre. Tu la gâches en mettant ça? Alors, meilleure amie, pour le coup, je suis pas certaine, car une Américaine, encore une Américaine, n'a rien trouvé de mieux que de se fiancer au mariage de sa meilleure amie. Résultat, bah, les deux tourtereaux, ou plutôt les deux égoïstes pour moi, ont attiré toute l'attention et les mariés sont passés à la trappe, quoi, j'ai envie de vous dire. Ça va, non mais déjà, c'est bon, et c'est pas égoïste. Mais c'est hyper égoïste. Bah, si ça profite, il y a tout le monde autour. Au moins, tout le monde est au courant. Bah non. Non, bah, non mais je suis pas d'accord. Après, je vous passe toutes les demandes horribles que j'ai pu constater sur Internet. Je sais pas ce que vous avez avec la nourriture, les mecs, Pierre et Julien notamment pour vous, mais c'est alors bon. Une bague plantée dans une pizza, c'est non. Dans des nuggets, c'est non. Oh, oui. Et dans un hamburger, c'est non. Ah si. Et dans un burrito, Caro, quoi, bah, ça tirait? Non, c'est non. Ah, ça je sais pas, peut-être. Après, vous stressez pas, vous ne serez jamais pire que les Américains, encore une fois, car l'un d'entre eux n'a rien trouvé de mieux que de... Pisser dans la neige. C'est bon ça. Comme donc le mec s'est dit, allez, je vais écrire « Veux-tu m'épouser ?» avec mon urine dans la neige. C'est pas possible. Ah, je te jure que c'est vrai. Grosse envie. Hein. J'ai vu une photo. J'avoue, il a dû en boire. J'ai vu. Parce que pour écrire Tom, ça va, mais pour « Will you marry me ?» ça commence à faire beaucoup. Après, en soi, je sais pas ce qui est le plus flippant, si c'est ça ou si c'est le fait que j'ai trouvé une musique pissée dans la neige. C'est un mec qui a créé ça un jour. J'avoue, c'est vrai. Trêve de plaisanterie, on finira toutes bien un jour, les filles, rassurez-vous, par danser avec l'homme de notre vie sur Dirty Dancing. Oh non. Le porter. Vas-y, en direct sur Dailymotion. Le porter. Et un jour, j'ai envie de vous dire, on dansera tous au bras de notre père, car comme dit le mien, j'aurai le temps de te dire je t'aime le jour où tu te marieras, ma fille. Et je peux vous dire que j'attends ce jour avec impatience. Oh, c'est beau. Franchement, Caro, j'ai eu un espoir, une envie de me marier, mais chaque fois tu me gâches tout avec moi. Moi, j'ai les larmes aux yeux après cette chronique. Moi, j'ai Dirty Dancing, ça me. J'avoue que ça me gâte. J'ai les larmes aux yeux, ça me fait mal. Bah, justement, garde ta larme à l'œil. Ouais. C'est ton petit coup de cœur musical, c'est exactement. Maintenant. Exactement. J'adore les sushis. Oh, mais j'adore l'abcès. Mais j'adore l'abcès. Le crush de la semaine sur Studek Web. Mon coup de cœur du moment vient du groupe Maroon 5. Les Maroon 5, c'est 4 musiciens et un chanteur. Et ça donne ça si vous ne connaissez pas. Ah, j'adore.

Les Maroon 5 avec le titre Girl Like You, un milliard. Plus d'un milliard de vues sur YouTube, et ils ont même fait une version 2 parce que ça a tellement bien marché en fait, avec un peu les coulisses de l'enregistrement, et du coup avec les mêmes personnalités qui sont sur le clip, mais qui font un peu des bêtises, des trucs comme ça, et donc ils ont fait une version un peu plus humoristique en fait de ce clip. Par contre Pierre, juin 2018, c'est t'as mis un temps à faire un truc. En fait moi, en dessous d'un milliard de vues, je ne m'intéresse pas au titre. Il est nouveau vénère. Caro, il y a peut-être une petite réaction pour Oui, il y a une réaction avec le hashtag CDB. J'ai Martin qui me dit: merci Pierre, t'as passé ma musique préférée, t'as refait ma journée, mec. Voilà. Big up au coup de boost. Voilà, je suis sûr que cet homme est gaucher, c'est déjà parfait. Cet homme est gaucher et je suis ravi d'avoir. Et dans quelques instants, on va aussi jouer au jeu du booster pour votre pack Studek Web avec Pierre, t-shirt. Avec t-shirt, la tasse, les préservatifs et la compil Studek Web. Que des choses utiles, nécessaires pour vous qui êtes au boulot, en voiture ou à l'école, n'importe. Si vous aimez les titres qu'on passe sur Studek Web, ils sont tous sur la compil. Hein. Ouais. Parfait. Caro, comment on s'inscrit? Hashtag booster sur Facebook ou prénom plus numéro de téléphone. Moi, je lis tout. Et il y a l'un d'entre vous qui passera avec nous. Hashtag booster. Très bien, indice numéro 3, il est indispensable. Donc on avait Noël, il est cool, il est indispensable. Voilà. On a donné beaucoup d'indices. Hein. Pour la suite, on va écouter aussi vos messages que vous nous laissez chaque jour sur le répondeur du coup de boost. C'est juste après un des sons qu'on adore en ce moment. Bon entendeur, le temps est bon. Le temps est bon. Il a foncé. Bon entendeur et le répondeur, c'est dans quelques secondes sur Studek Web. Tous vos tubes préférés sont sur Studek Web. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, in a bowl that I say, thank you, next, next, thank you, next, next, thank you, next. I'm so fucking grateful for my tour. Il faudrait tout oublier. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le sais. Merry Christmas. Les autres radios passent toujours la même chose. Boostez le son. Tous vos hits préférés sont sur Studek Web. Studek Web. 100% nouveaux talents. Le temps est bon. Studek Web, le coup de boost jusqu'à 15h, on écoute vos réactions sur le répondeur. Hello la team, je vous écoute tous les jours dans la voiture en allant au boulot et à chaque fois que je suis bloqué dans les bouchons, je suis hyper heureux de vous avoir parce que sinon je me ferais vraiment chier. Allez, merci. Yo tout le monde, j'ai besoin de votre aide. J'aimerais tellement que ma copine se déguise en Mère Noël. Ça m'excite tellement, mais je sais pas comment lui demander. Allô ? Allô ? Allô Michel ? Allô ? Non, C'est quoi ça ? Merci en tout cas de nous laisser déjà vos messages sur le répondeur tous les jours. Alors et on sait pas Michel hein. Je sais pas qui est cette personne. La dernière, je crois qu'on va la rappeler. J'aimerais bien savoir pourquoi elle voulait avoir Michel. En plus, dans l'historique, on a les numéros, donc on peut rappeler. On peut appeler. Et on... pour savoir ce qu'elle voulait dire à Michel. On pourrait lui faire une petite vanne, non ah. Au pire, je me fais passer pour Michel. Vas-y. Allô. Allô. Oui, allô, c'est qui? Oui, c'est Michel. C'est Michel. Tu m'as laissé un message. Ah, mais pourquoi tu m'appelles en numéro masqué? Parce que je sais pas. C'est mon téléphone qui doit être réglé comme ça. Ok. Ah ok, d'accord. Du coup, moi, je t'ai appelé hier, du coup. Ouais. Ouais, en fait, je voulais savoir, j'ai pas d'idée, je veux pas aller chez Jacqueline, en fait, pour Noël, et je sais pas comment lui dire que je veux pas y aller. Alors, c'est pas du tout Michel, c'est Studek Web, la radio, et en fait, tu nous as laissé un message, mais en fait, je pense que tu t'es trompé de numéro, parce que c'est pas du tout Michel, mais moi, je voulais juste savoir ce que t'avais à dire à Michel. C'est un prank, du coup. Alors c'est Studek Web, donc nous sommes une radio, donc je sais pas Michel, alors tu veux pas aller chez cette personne pour Noël? Oui, du coup il y a tout le monde qui le sait maintenant. Oui, tout à fait. J'espère que cette personne n'écoute pas Studek Web pour toi. Ah j'espère aussi parce que oui du coup. Voilà. Et donc tu ne veux pas aller pourquoi tu ne veux pas aller chez cette personne à Noël enfin? Parce que j'ai d'autres choses de prévues et j'ose pas lui dire parce que c'est prévu depuis longtemps. Voilà. On a tous ce problème là, on veut pas aller chez les gens à Noël. Ouais, en tout cas, merci d'avoir laissé ton message sur le répondeur, même si t'as pas fait exprès. Merci beaucoup. Passe une bonne journée avec le coup de boost sur Studek Web. Le jeu du booster pour le pack Studek Web, c'est maintenant. Et oui, c'est parti. Maison, poisson, hélicoptère, ver de terre, pain, biscotte. C'est chelou un petit peu. C'est le booster. Sur Studek Web. Le jeu du booster pour gagner le pack Studek Web avec le t-shirt, le stylo, les préservatifs, la compé, etc. Et on accueille un auditeur qui a été tiré au sort. Yes. C'est moi, salut l'équipe. C'est Nicolas, salut Nicolas, comment ça va? Salut Nicolas. Ça va super et vous? Super, nickel, un petit accent du sud j'entends, c'est ça? Ouais, je viens de Bordeaux là, il fait beau, tranquille. Donc, l'accent des Bordelais a changé quand même. Si, ça va. Il se déplace dans le sud comme ça. Un petit coucou au Bordelais, hein, n'est-ce pas? Alors, t'es prêt à jouer? Je suis prêt, j'ai envie de gagner. Super, Nicolas. Donc, tu connais les principes. Une minute, tu poses des questions, je réponds par oui ou par non. Et dès qu'une réponse est fausse, un petit coup de boost, d'accord? Ok. Et les indices, Noël, il est cool et il est indispensable. T'es prêt, Nicolas? Noël, il est cool et indispensable, c'est ça? Allez, tu poses tes questions que tu veux. T'es prêt, Nicolas? Ok, c'est bon, allez, je suis prêt. C'est parti. Alors, du coup, il est cool et indispensable. Est-ce qu'il a une barbe? Non. Est-ce qu'il existe? Non. Bah oui. C'est pas un être vivant, enfin, il existe, mais. Ça existe vraiment? C'est le Père Noël, non? Non. Non. C'est le Père Noël, c'est un lutin? Non. Est-ce que les enfants, ils l'aiment? Oui. Les enfants, ils l'aiment. C'est pas un personnage, c'est pas un personnage. C'est pas un personnage, c'est un animal? Non. Tu décores quoi à Noël? J'ai pas d'idée là. Ah non, je suis deg. Pose des questions. Une plante. J'ai pas d'idée là. Est-ce que c'est un personnage de dessin animé? Non, je sais pas du tout. À Noël? C'est perdu, Nicolas. C'était bon. Quoi? C'était le sapin de Noël. Le sapin de Noël. Il est indispensable, il est Noël. Et par contre, le petit jeu de mots pour il est cool, c'est il est sapin. C'est un petit jeu de mots. Voilà, c'est pour ça. Ça vole l'eau, d'accord. Ah bon, carrément. T'es comme ça. Bon, on t'offre quand même un petit une visite des studios. Tu pourras venir nous voir. C'est cool, je suis quand même content. Et merci d'avoir participé, Nicolas. On te fait un gros bisou. Salut. Ciao, ciao. Salut. Et pour la. Allez, faut se lever, c'est l'heure du coup de boost. Le deuxième réveil de la journée. De 14h à 15h sur Studek Web. Joyeux Noël. Et pour la suite, votre rap continue avec Studek Web et c'est Thomas est dans le studio avec Bordelais. J'ai oublié son prénom. Ouais, j'ai oublié son prénom. Je suis mal. Thomas et son équipe, Anaël, Lucas, tout le monde s'installe. Salut. C'est bon. Qui est gaucher là? Moi. Ah, Tim Gaucher. Salut le sang. Tim Gaucher, parce que j'ai parlé des gauchers, on est 15% voilà. En France, merci. Il y a encore moins de femmes que d'hommes, donc si tu veux, je suis un petit peu encore plus unique que toi. 12,5% des gauchers sont des femmes. Voilà, j'ai fait mon étude aussi. Bien, donc en fait, j'arrivais en ami, et là, il y a une confrontation qui s'installe. Par contre, il nous reste peu de temps, donc vous allez quand même présenter votre émission pour que les gens restent avec nous. Ouais, avec vous, alors, émission spéciale, deux invités. On a eu une petite galère, mais on vous explique ça tout au début. D'accord. Il y aura le saviez-vous de mon cher Lucas? C'est moi. Et le petit coup de gueule de. Et le petit coup d'œil habituel sur sa famille. Parfait. Et donc on avait quand même dit que les invités là c'est Max et Jonathan du Morning d'RTL2. C'est bien, c'est qu'il a niqué le la blague du début. Il y avait une promo en direct avant, c'est pour ça. C'est oui, pour ça. On a eu une galère justement. Voilà. C'est ce que je voulais. Si j'ai envie de niquer vos trucs, je nique. Voilà. Ah ok, ça direct, marche. Voilà, je vous lâche un petit hop. Voilà, c'est fait. Ah, okay. Désolé, j'ai un stanké, donc forcément je m'amuse un petit peu. C'est ça. Fais-toi plaisir. Votre après-midi continue sur Studio Web. Vous restez impérativement avec nous avec Thomas dans Studio Bordelagne jusqu'à 16h. Et en tout cas, on vous dit au revoir. Yes. Nous on a passé un bon moment. Ah bah demain. Du plaisir. Et puis là, on vous quitte avec Justin Bieber, Mid and Slow. C'est la musique de Noël. C'est Noël. Studio Web. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you. Everyone's gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming tonight. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know, but I'ma be under the mistletoe. Shawty, with you. Shawty, with you. Christmas. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spend so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'll be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday.